Déambulation. Évidemment révoltant parce qu'on considère qu'une personne c'est un être extraordinaire, c'est un être singulier, c'est un être unique et par définition ça correspond donc à une richesse qui est même toujours presque infinie et donc cet être humain là on le passe à la moulinette de une espèce de Bible qui vient définir par différentes définitions, différents troubles, ce qui est le bon comportement. Mais le bon comportement de qui? Le bon comportement du citoyen passif, soumis, résigné, qui va aller au taf tous les jours sans broncher. T'es pas quelqu'un, t'es une maladie. Tu peux pas être quelqu'un qui aura subi à un moment donné quelque chose qui va ou qui vit dans une société agressive ou dans des conditions dures qui va à un moment donné occasionner un basculement ou non, t'es un ensemble qui répond à certaines caractéristiques d'une maladie et voilà, ça y est, hop, c'est parti. Du matin, le 15 octobre, à la ferme de Marie-Vieille, au-dessus de Bellegarde, dans le Haut-d'Iois. Je suis plongée dans une rencontre intitulée « Résister à la psychiatrie » et j'ai autour de moi plusieurs personnes qui vont peut-être pouvoir expliquer c'est quoi ces rencontres, pourquoi elles ont lieu, comment, enfin, déjà nous présenter ces rencontres. Il y avait déjà eu des précédents à Paris, en Ariège et dans le Gard, des rencontres dont le but est, derrière le terme « résister à la psychiatrie », il y a refuser la psychiatrie en tant qu'institution et trouver, parce qu'on a eu l'expérience de la psychiatrie, trouver... ses propres méthodes de gestion de ses troubles et de ses traitements. Ce serait comme être à la recherche d'outils d'autonomie un peu finalement face aux situations de souffrance, de désarroi et tout ça psychique. Oui, tout à fait. Alors moi personnellement je suis pas concerné par la psychiatrie directement, j'ai pas eu l'expérience de la psychiatrie. Je fais une émission de radio sur Radio Libertaire à Paris, qui s'appelle L'Entonnoir, qui est une émission critique de la psychiatrie. Et voilà, c'est le matin, le mercredi matin, de 9h30 à 10h30, sur 89.4 à Paris, et qu'on peut trouver aussi sur internet, sur le site fédération-anarchiste. .org. Pour les gens qui voudraient avoir un peu vos dossiers ou des choses plus, enfin des sujets plus spécifiques que vous abordez sans doute dans cette émission. Oui. Alors, on a abordé pas mal de thèmes autour de ça, de la critique de la psychiatrie. Par exemple, la loi du 5 juillet 2011, qui est une loi répressive, encore plus répressive, mais dans laquelle un collectif de juristes, le CRPA, a réussi par le moyen de questions prioritaires de constitutionnalité adressées au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, de faire inclure dans la procédure d'hospitalisation le JLD, le juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire du juridique dans le processus d'hospitalisation, qui était exclusivement administratif et médical au départ. Donc ça permet de sortir un peu de l'arbitraire finalement du pouvoir des médecins et de l'administration des hôpitaux, quoi. Oui, d'avoir un contrôle sur ces hospitalisations. Oui. Et alors, ici, dans ces rencontres, j'ai vu traîner. J'ai trouvé des petites revues qui ont l'air un peu fabriquées, photocopiées à la main, enfin, faites avec pas beaucoup de moyens, qui s'intitulent « Sans remède ». Et dans laquelle j'ai lu des témoignages de personnes justement qui ont vécu des internements psychiatriques pour diverses raisons. Pour diverses raisons, elles ont été amenées, on va dire, dans les murs de l'hôpital psychiatrique. C'est des témoignages qui m'ont assez touchée, quoi. Enfin, parce que c'est, même si on connaît un peu, enfin moi je suis déjà rentrée une fois dans un hôpital psychiatrique, mais en fait on ne peut pas savoir tous les détails de l'oppression en fait, qui existe là-dedans. Et donc, il y a ici Jean-Marc, c'est ça ? Jean-Luc. Oui, pardon, excuse-moi. Jean-Luc. Et apparemment, toi, tu fais partie des artisans qui fabriquent cette revue. Oui, oui. Donc, juste une petite précision comme ça. Là c'est vrai que, comme tu as dit, ils traînent des numéros qui ont l'air photocopiés. Ils sont photocopiés parce que on a fait 3 numéros jusqu'à maintenant. Les 2 premiers sont épuisés, donc on les retire au copieur. Mais le dernier, c'est un vrai numéro imprimé et tout et tout. C'est une belle revue, tu veux dire. Non, mais bon, voilà. C'est, oui, oui, bien sûr, très très belle, mais on peut pas dire autrement puisqu'on l'a fait. Oui, oui, des témoignages. Ça, je dirais, c'était surtout le premier numéro. Le premier numéro a été fait par 3 personnes qui se sont réunies, et c'était 3 témoignages d'une façon différente de rencontrer l'institution psychiatrique. Une psychiatrisée, son amie et une personne qui avait fait un stage en tant qu'intervenante marionnettiste dans un HP. Après, ça a un peu évolué. On est bien sûr, c'est toujours un objectif numéro 1 de donner la parole à des psychiatrisés, mais pas seulement. Et donc on essaie de donner des informations pratiques. Par exemple, dans le dernier numéro 3, il y avait comment mettre la main sur son dossier psychiatrique, des choses comme ça, et aussi réfléchir un petit peu sur toutes les dimensions de l'institution psychiatrique, sur sa fonction notamment sociale et politique. Ça nous tient très très à cœur. Autant des choses qui vont concerner, je dirais, directement le psychiatrico-psychiatrique que resituer tout ça dans l'ensemble de la société et du monde. Donc, encore une fois, je me répète, mettre l'accent sur les fonctions sociales et politiques de la psychiatrie dans le but de mener un combat politique contre la psychiatrie. Et alors, tu parles donc de combat politique contre la psychiatrie. Ça m'évoque évidemment les luttes qui ont eu lieu déjà à partir des années 50, 60, je pense en Italie, ça commence assez tôt, et puis en France plus tard, dans les années 70. Enfin, il y a eu tout un mouvement, on pourrait dire presque mondial à cette époque-là, de personnes, en tout cas avec différents courants dans différents pays, différentes expériences. Et apparemment, moi, de ce que j'en ai compris, ce mouvement-là, il a eu réellement une influence sur les institutions. Il a fait une sorte de contrepoids à ce pouvoir psychiatrique, aux structures qui existaient. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si on était dans un retour en arrière de tout ça, quoi. Que toutes ces choses, elles avaient été balayées, elles avaient été oubliées. Et donc, est-ce que tu peux, toi ou quelqu'un d'autre, aurait envie de... Un peu tout le monde. Moi, je peux commencer à répondre. Mais c'est un petit peu embêtant parce que ta question, elle est géniale dans le sens, au niveau de son sens. Mais il faudrait 5-6 heures. Moi, je peux t'en parler pendant 5-6 heures avec Denis, avec Nathalie, etc. On va essayer de résumer. Et, alors, en étant hyper résumant, tu as évoqué différents mouvements antipsychiatriques. Quand on commence à y regarder un petit peu de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu un mouvement antipsychiatrique, mais différents mouvements. Et puis malheureusement, la dimension globale, elle est plus de l'ordre de l'imaginaire que de la réalité. Ça s'est surtout passé en Europe, donc en Angleterre, Royaume-Uni, avec Cooper et Lang. Bon, je résume vraiment. Tu as évoqué l'Italie avec Basaglia, et il y a eu aussi des choses en Allemagne. Et puis, d'une certaine façon, il y a aussi eu des choses en France, mais plus orientées vers la pratique de la psychothérapie institutionnelle. Ce qui a un peu, même beaucoup, dégoûté des militants qui étaient radicaux, qui sont donc détournés de ça, qui ont rejeté cette pratique-là, qui reste quand même une pratique éminemment réformiste de l'institution psychiatrique, et qui donc sont orientés vers l'ouverture de lieux de vie alternatifs qui prenaient support sur toutes les communautés qui existaient à cette époque-là. Et voilà. Donc en fait, tu as raison dans ton analyse, tout ça était florissant, de différentes façons, avec différents résultats, et puis tout est retombé pratiquement dans le silence le plus total. Alors, nous on dit une chose toute simple, est-ce que toutes les questions qui avaient été posées à l'époque ont été résolues? Est-ce que tous les problèmes ont trouvé des solutions dont on dirait que, on les trouve relativement acceptables? Ben, notre réponse, et puis on fait entendre des voix, on formule on donne des informations pour dire non, on n'a pas. La plupart des questions sont restées sans réponse, la plupart des problèmes sont restés sans réponse. La réalité globale de la psychiatrie, n'a pas bougé, ça a même empiré. Bon, on y viendra peut-être plus tard. Donc, il y a toujours la même nécessité de lutter contre ça et de tenter de faire bouger les choses. Au moins, en tout cas, de faire entendre que y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec cette façon de traiter les gens. L'antipsychiatrie pensait que ça pouvait remettre l'individu libre dans une société libre, Et en réalité, il s'est passé quelque chose de contraire, c'est-à-dire que ça a permis à la psychiatrie de s'incruster de façon profonde dans le local et d'imposer ses normes et sa fonction de psychiatrie, qui est une fonction bien avant tout de contrôle social et de répression. La sectorisation, c'est ce qui consiste à créer des structures par arrondissement un peu géographique, et où quand les gens sont mis en hospitalisation, ils sont dans l'endroit qui correspond à leur domicile, c'est ça ? Oui, et donc ça, finalement, ce sont de petits asiles qui se sont créés à travers la sectorisation de façon locale. Alors qu'avant, tout ça était plus centralisé et regroupé dans des plus grands lieux. Oui. Bah moi, je suis la dernière arrivée dans cette émission. Et puis petit à petit, bon, il y a des choses qui m'ont intéressée, parce qu'à la base, mes thèmes militants, c'était plutôt l'écologie, qu'ils sont toujours d'ailleurs. Et puis, je suis arrivée dans cette émission, et je me suis aperçue que, bah, il y a des choses qui pouvaient un petit peu correspondre à certains éléments de ma vie, même si j'ai pas jamais été internée. Aussi, il y a des choses très... On peut aborder la psychiatrie et sa critique de manière très, très diverse. Ça peut être de manière artistique, ça peut être... des interviews, des témoignages, et puis les rencontres comme ici. Donc tout ça, ça fait quand même quelque chose d'assez riche dans une émission. Donc on arrive toujours à aborder tout ça dans des thèmes extrêmement variés. Par exemple, la dernière fois, on a invité Hélène, une trans membre de ACTOP, et on a discuté des transsexuels et de la psychiatrie. C'est encore quelque chose qu'il faudra continuer à creuser, parce que ça non plus, on n'a pas encore abordé dans cette émission, en tout cas. C'est des choses qui... Ça revient par tous les bouts de la société, finalement. Et puis aussi, je sais pas, on peut peut-être, je reviendrai bien sur les rencontres. Moi, j'étais allée au Mas d'Asile, qui était déjà plus structuré, organisé. Moi, je me suis rendu compte en arrivant là-bas de la réalité de psychiatriser. Je savais pas du tout ce que j'allais trouver. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu finalement discuter avec des gens. Parler de thérapie, puisque moi c'est plus c'est plus dans mon un peu dans mon domaine jusqu'à ici où on est un peu moins nombreux, on est une trentaine, et ça s'est passé de manière un petit peu entre guillemets un petit peu folle, mais vraiment au bon sens du terme, pas au sens stigmatisant. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place. Il y avait un désir en arrivant de parler de tout un tas de choses. Après, on a eu l'impression qu'il y avait tellement de choses à évoquer qu'on bloquait, qu'on n'arrivait pas, on ne savait pas par où commencer. Et puis, on a mis en place des choses. Par exemple, tous les matins, expression corporelle, mais alors il y a des assouplissements. Et puis après, on continue des exercices qui relèvent plutôt d'exercices qu'on fait quand on fait du théâtre de l'opprimé, et des jeux comme ça qui impliquent la personne, le rôle, des mécaniques collectives qui sont assez enrichissants. Et puis aussi, il y a eu d'autres choses pratiques comme la co-écoute. On a eu 3 heures d'échange sur la co-écoute avec Yves, là, qui est dans les parages. Je suppose qu'il viendra faire son petit commentaire aussi sur les événements. Et puis, sur la théorie reichienne aussi, il y a des gens qui, un petit groupe passionné. Et l'acting, c'est une manière de thérapie pour se décuirasser. Il y a plein de choses comme ça pratiques. Et puis, on a eu aussi des échanges. Il y a un échange que j'ai trouvé, pour ma part, lequel j'ai participé, assez magique. Ça a commencé par quelque chose d'assez formel, en deux groupes. Et puis, il est resté un groupe dont je faisais partie, Denis aussi d'ailleurs. Et puis, on s'est mis à échanger. Alors, c'était la thématique normalisation, diagnostic. Je sais plus le troisième mot, étiquette. Et tout d'un coup, il y a eu un deuxième volet de discussion. On était un petit groupe d'une dizaine. On s'est mis à parler à partir de nos témoignages. Et il y a eu à ce moment-là un moment magique, une qualité d'écoute. On était très disponibles les uns aux autres. On s'écoutait mutuellement et c'était vraiment très très beau quoi. Moi je trouve que c'est un moment assez fort. On est sorti tout doucement et puis voilà, c'était un petit peu et puis il y a aussi ce qui compte énormément, c'est tout ce qui se passe dans l'informel, tout ce qui n'est pas organisé, comme beaucoup de manifestations militantes, associatives, etc. Il y a quand même le off, ce qu'on appelle le off, autour d'une bière, autour d'une bouffe, autour de je sais pas quoi d'autre, d'un café. Mais là, c'est très, ça prend une place quand même très forte. Étant donné le contexte et puis les moments forts que des personnes ont pu et puis les expériences. Des moments off, et tu disais que ça prenait beaucoup de place ici dans ces rencontres à Marivieille et qu'il se passait beaucoup de choses dans les échanges informels entre les personnes. Oui, parce que c'est dû à toutes ces expériences fortes que des personnes ont vécues et au fait que jusque-là elles étaient plutôt isolées et que là elles sont très. Elles se retrouvent dans le collectif, ce qui leur fait déjà beaucoup de bien. Et déjà, il y a donc ce lien fort qui s'établit, puis de rencontre en rencontre, les gens qui se connaissent, ou les gens qui arrivent et puis qui sont vraiment très heureux de trouver enfin quelque chose de sympa, où on les juge pas, où on essaye d'avancer. Forcément, il y a des choses très fortes qui se passent. Question, mais justement, qu'est-ce que ça peut être le rôle de rencontres comme ça un peu régulières qui ont l'air de créer finalement des liens entre des personnes et un réseau de gens qui se connaissent en termes de force collective, parce que j'ai l'impression que ce qui fait que les gens se retrouvent dans les institutions psychiatriques, c'est que les personnes eux-mêmes ou leur entourage peuvent se sentir complètement démunis face à des situations de souffrance ou de choses comme ça, et avec finalement très peu de recours autres, quoi. À un moment donné, les gens sont dépassés et soit eux-mêmes ils vont à l'hôpital, soit leurs proches les envoient à l'hôpital. Enfin, on peut dire ça dans les bons cas, parce qu'il peut y avoir aussi le côté plus normalisation et répressif, quoi. Si quelqu'un pose un problème dans une famille ou dans un environnement, on va l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour le faire taire ou le calmer. Mais est-ce que des rencontres comme ça, ça, vous avez l'impression que ça peut créer une puissance collective qui peut avoir une influence par rapport à tout ça? Avoir une influence par rapport à tout ça, oui, il faudrait un peu regarder quelle influence et un petit peu définir le tout ça. Mais juste par rapport à ce que tu as commencé par dire, c'est vrai que beaucoup de gens voient, quand ils rencontrent la psychiatrie, et c'est une rencontre qui se passe souvent pas bien du tout, notamment des familles, elles sont seules, elles sont désemparées, et si elles ne le sont pas, c'est parce que elles auront rencontré des institutions comme l'UNAFAM, l'Union Nationale des familles de psychiatrisés, qui en fait, ou la FNAPSI, qui est une association qui regroupe un assez grand nombre d'associations soi-disant de psychiatrisés. Mais on fait l'analyse, je pense que vous serez d'accord, que ces associations là, ces institutions là, en fait soutiennent la psychiatrie officielle. L'UNAFAM, par exemple, avait soutenu à fond la loi dont on a parlé précédemment. Donc, en fait, il est bien évident que tout ça, ça ne peut pas nous convenir. On pense que, donc, à partir de ce moment-là, si on n'essaie pas d'inventer un minimum de solidarité collective entre toutes ces personnes qui, à la base, font le constat que, ben non, il n'y a rien, ou alors ce qu'il y a, c'est pas vraiment génial. Ben, voilà, c'est une nécessité d'aller dans ce sens-là. Alors bien sûr, tout ce qui est fait, moi je dirais pas seulement les rencontres là, ça va dans ce sens-là, mais c'est un immense truc à faire, à construire. Oui, voilà. Peut-être on peut poser la question à Yves de pourquoi le collectif de Marie-Vieille a eu envie d'inviter et d'accueillir ces rencontres ici, dans le Haut-Diois. Mais il y a plusieurs types de réponses. Il y a d'abord le fait que on est plusieurs du collectif à avoir eu maille à partir avec la psychiatrie, avec l'institution. Pour certains d'ailleurs de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant que médecin, et en avoir une approche très critique et de l'institution et du monde qui l'a produit en fait, et du monde qui produit aussi les problèmes qui poussent les gens dans les bras de la psychiatrie. Il y a le fait qu'on est aussi, de façon générale, investi dans une réflexion critique sur les identités imposées, sur les normes, la normalité en tant que vraiment outil de contrôle social et de gouvernance, et que la psychiatrie joue un rôle clé dans ces processus généraux-là. Oui, du coup, il y a à la fois un intérêt personnel lié à notre vécu, enfin pour un certain nombre d'entre nous, et aussi un intérêt qui est un intérêt politique, c'est-à-dire que la critique de la psychiatrie, c'est une critique qui doit réémerger, qui a été très présente dans les années 70, qui a plus ou moins disparu, et qui doit réémerger si on veut que vraiment il y ait de nouveau une sorte de critique global, un peu affiné des systèmes sociaux actuels qui puissent vraiment réémerger et pouvoir déboucher sur une libération. Voilà, donc on est très intéressé à ces divers titres. C'est juste pour cette chapelle qui n'en est pas une, qui s'appelle Sans Remède. On a commencé par être un journal, ce que j'ai expliqué, et puis avec les rencontres que Nathalie a évoqué, qui sont passés l'année dernière en septembre au MAS d'asile, où sont où sont deux des trois personnes qui font le journal. On est sorti du cadre du un peu étroit du journal pour passer à autre chose, donc organisation de rencontres, et puis sur Paris on essaie un petit peu de faire bouger les choses. On a mis en place une, justement pour ça répond un petit peu à la ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la nécessité de durer dans le temps, de faire en sorte que les choses s'installe, se pérennise un petit peu, une permanence une fois tous les mois pour commencer, donc qui se passe au Rémouleur, qui est la frontière entre Montreuil et les Bagnolets. Et puis on fait des tables de presse sur les marchés, tout ça, ça c'est plus pour dans le but de sortir du bocal, comme je dis. Le bocal, bon, c'est un peu la mouvance de personnes un peu anarcho machin truc. Et rencontrer les gens qu'on peut rencontrer dans la rue, avec le sujet de la psychiatrie. Et c'est toujours très très très intéressant de faire ça. Et puis pour tenter de rencontrer sur Paris des gens qui sont intéressés par cette problématique, parce qu'on est très peu nombreux, et il faut vraiment qu'on soit plus nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on fait de choses, et il y a tellement de choses à faire qu'il faut vraiment. Donc c'est aussi dans ce but-là. Voilà, donc je referme cette parenthèse-là. Mais donc ce que tu veux bien dire, c'est que c'est des gens du journal Sans Remède qui sont à l'initiative au départ de ces rencontres. Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont eu l'idée et l'initiative de ça? Pas des rencontres ici, hein. Non, les autres, les précédentes. Ah oui, c'était chez nous en quelque sorte. Voilà. Donc c'est vous qui avez lancé cette dynamique? Non. Ah non, alors, si on veut être complet, non, c'est on a pris en marche une dynamique. Donc pour moi, c'est moi, avec mes repères, c'est une dynamique qui, enfin, elle a peut-être pas commencé à ce moment-là, mais elle a beaucoup été boostée par quelque chose qui s'était passé à Montreuil en 2010, je pense, dans un squat qui s'appelait La Titanique, où il y avait eu 3 jours. Alors c'était des rencontres aussi avec, mais le support, c'était des projections, il y a plein de films et entrées à la psychiatrie, des débats qui s'auto-improvisaient. Et pour moi, ça a été un déclic. Ça a fait rencontrer des gens. Et après, beaucoup de gens continuaient à se rencontrer en évoquant la Titanic. Et puis, voilà, un petit peu comme ça. Non, c'est une dynamique. Et il y a une pas un maillon, parce que j'aime pas beaucoup cette métaphore, mais il y a une étape, une dimension qui se rajoute avec chaque rencontre qui se passe. J'ajouterais que lors de ces rencontres, eh bien, on a des gens qui viennent de plusieurs endroits différents, des gens de Toulouse, des gens des Cévennes. À la première rencontre au Mas d'Asile, là, il y avait aussi des gens de Rouen et de Caen. Là, il y a une personne de Lyon aussi qui est venue. Voilà, donc c'est assez fédérateur en fin de compte, ces rencontres. Et ça nous permet de développer nos luttes locales, ce qu'on fait localement. Finalement, de se renforcer par les échanges d'expériences différentes localement, et le fait de savoir qu'il y a aussi d'autres gens qui peuvent éventuellement soutenir ou quoi, ça donne plus de force et plus d'idées localement, quoi. Exactement. Et il se passe quoi alors? Est-ce que vous pourriez raconter certaines de ces initiatives, qu'est-ce que les gens ils arrivent à faire concrètement, à part des rencontres ou un journal ou une émission de radio? C'est-à-dire que nous, le groupe de Paris, on a un peu expliqué ce qu'on faisait à Paris. Mm-hmm. Maintenant, peut-être, il faudrait poser la question aux autres. D'accord. Sinon, il y a des choses. Alors, vous m'aiderez pour tout ce qui est des noms, tout ça, mais qui sont à Toulouse. Ça a l'air de bien bouger aussi là-bas. On avait invité des gens à la radio, à l'émission. Et, ils faisaient des réunions publiques ou des choses aussi à l'extérieur. Ou des groupes aussi, des réunions, ce qu'on appelle non mixtes, c'est-à-dire entre psychiatrisés, parce qu'il y avait un besoin d'échange en étant tous direct au même diapason, hop, entrer directement dans le sujet sans avoir à réexpliquer à des gens extérieurs. Donc, hop, des réunions, ils ont besoin de parler entre eux. Et il y a aussi... voilà, donc là ils se... c'est des gens qui étaient en train de se renforcer, se bétonner au niveau local pour après faire des choses. Et puis, je crois qu'il y avait aussi une émission de radio vers Toulouse, non ? Il me semblait que je parlais de... Oui, les rencontres qu'ils faisaient, c'était dans le cadre du CREA, mais il y a eu des petits ennuis avec... voilà, donc il y a eu un nouveau lieu, mais qui a vite été expulsé. Donc, mais je pense que c'était, je leur souhaite de toute façon, mais c'était tellement bien parti ces rencontres, un petit peu, bon, ils appelaient pas ça permanence, mais c'est sur le même mode, que je pense qu'ils vont assurer la continuité de ça. Ils sont d'ailleurs les créateurs aussi de la brochure. Du manuel de savoir vivre fou en société à Clairvoix. Mais sinon, par rapport au développement d'initiatives locales, je vois là par exemple par rapport à Marie-Vieille, qui est un lieu où il y a une partie du lieu qui est vraiment un lieu ouvert à tout le monde. Et du coup, depuis le début, depuis que ça existe, c'est-à-dire il y a maintenant bien 5 ans, il y a à peu près 5 ans que ça a commencé, c'est un lieu qui a toujours servi de lieu d'accueil, de lieu de refuge pour des personnes qui pètent les plombs, ou qui vont pas bien, ou qui sont vraiment dans une phase de se replier sur elles-mêmes, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire un lieu où à la fois il y a du monde, on peut être entouré, et à la fois on peut être tranquille. Et on a envie de continuer sur cette lancée. Pas du tout d'une façon institutionnelle, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de c'est pas une vocation qu'on se donne, une mission qu'on se donne. C'est simplement qu'on a envie de continuer d'être un lieu d'accueil pour la richesse que ça représente, et on a envie que ce lieu puisse continuer à être un lieu aussi, du coup, d'accueil pour des gens qui trouvent difficilement accueil ailleurs, de façon justement non institutionnelle, c'est-à-dire d'une façon qui est pas basée sur des rôles thérapeutes, thérapisés ou des trucs comme ça, mais simplement sur des relations interindividuelles. Et on a vraiment envie d'essayer de développer ce pôle-là avec une réflexion politique derrière, parce qu'on voit bien que c'est extrêmement important, en fait, ce type de lieu, ce type de rapport de solidarité, en fait, de mise en œuvre de solidarité. Donc aussi le fait qu'on soit offert pour accueillir les rencontres résistées à la psychiatrie, c'est aussi lié à cette volonté-là, quoi, par rapport au lieu. Et moi, ce que j'aurais envie peut-être de dire aussi, c'est comme outil assez concret et assez dynamique actuellement dans le DIWA, je ne sais pas si on peut en parler à la radio, mais il y a ce groupe de co-écoute, en fait, du DIWA, qui a été aussi accueilli, qui a fait des sessions de formation à Marie-Vieille. Oui, tout à fait. Bon, la co-écoute, c'est des pratiques de solidarité qui sont fondées sur la réciprocité, sur la gratuité. Qui sont des pratiques visant à permettre la décharge des émotions de détresse de tout un chacun, et du coup de libérer nos capacités qui sont bloquées par nos détresses, par nos peurs, nos angoisses, nos douleurs, etc., nos colères. C'est des pratiques assez simples, mais qui exigent d'être deux ou d'être plus nombreux. Et il y a un réseau, bon, ça existe à l'échelle internationale depuis très longtemps, c'est pas très connu en France. Là, il y a un réseau qui se développe dans le DIWA, justement. Il y a des groupes spécifiques qui s'intitulent groupes de soutien des survivants du système de santé mentale, qui sont des groupes de soutien de personnes qui sont passées par le système psychiatrique, qui essayent de s'en sortir par la solidarité et par des pratiques donc de décharge émotionnelle, décharge de ces émotions de détresse. Donc ça, effectivement, moi je pratique ça, on est un certain nombre dans le DIWA ou ailleurs à pratiquer ça et à y voir vraiment un lien très fort avec de possibilités d'alternatives à la médicamentalisation, à l'internement, etc. etc. quoi. Et alors, ça me donne envie de poser aussi une question plus générale par rapport à ces diverses initiatives et diverses pratiques. Moi, des échos que j'ai pu voir, c'est-à-dire de films ou de textes que j'ai pu lire sur des expériences d'antipsychiatrie dans les années 60-70, il y avait quand même un côté assez utopique où les gens ont tenté des expériences assez audacieuses, ont eu des moyens comme assez grands, quoi, ont trouvé des lieux, se sont investis, on va dire, corps et âme là-dedans, à passer tout leur temps là-dedans, à faire des expériences de thérapie radicale, par exemple, en Allemagne, ou enfin, vraiment diverses choses qui ont été expérimentées. Et là, de ce qu'on raconte maintenant, j'ai l'impression que c'est plus modeste, quoi, que c'est plus, quelque part, essayer de s'en sortir tant bien que mal avec les moyens du bord et tout ça, mais j'entends pas parler de choses plus utopiques. Oui, mais comme tu l'as très bien sous-entendu dans ta formulation, c'était à l'époque. Il faut se replonger, enfin, ou imaginer pour les gens qui sont trop jeunes pour ça, qu'est-ce que c'était cette époque? C'était beaucoup des mouvements antipsychiatriques dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a évoqués, avaient démarré avant mai 68. Et mai 68 a été un booster énorme de tous ces mouvements. Ce qui fait que ils ont pris une dimension encore plus grande. Et qu'en fait, on peut dire, sans délirer, c'est pas du délire, que ça touchait une part de la population assez importante. Beaucoup de gens étaient au courant de ces problématiques, comme ils étaient au courant d'autres problématiques qui constituaient le champ d'affrontement, de lutte politique. Et comme on l'a déjà dit, ça c'est une, voilà, l'utopie est directement liée à toute cette période. Et on est passé de cette utopie-là au niveau zéro, comme on l'a évoqué encore précédemment. Et il s'agit là quelque part de redémarrer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Et forcément, ça part du bas et c'est ça peut être bon, non. Ça peut être une, en tout cas, on va pas faire des comparaisons, plus de rapport avec la réalité ou non, mais ça a une dimension en tout cas très très en prise avec la réalité des choses pour tenter de la faire bouger, même modestement. Voilà, je sais pas si. Oui, mais c'est ce que disait Jean-Luc, c'était pas la même époque. Et je pense qu'aussi il y avait quand même on était dans une société plutôt en expansion. Il y avait aussi un contexte de libération, d'expérimentation. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même société. On est dans le tout sécuritaire, dans la marginalisation que ce soit des gens qui sont pauvres, des gens qui sont en mauvaise santé, des gens qui font tout ce qui gêne un petit peu le fonctionnement. Et puis on est dans la logique. On n'est pas dans la logique de bien-être de la personne. On est dans la logique. On remet la personne au travail. On lui donne n'importe quoi qui va la bousiller. On lui fait n'importe quoi pourvu qu'elle se remette à peu près à marcher correctement, même si elle a des ratés. Tant pis pour elle. Mais on va la remettre au travail. C'est quand même. En plus, il y a des lois liberticides qui viennent s'ajouter, du contrôle social. On est dans une société quand même extrêmement dure. Donc là, nous, avec nos petits moyens pour ramer, c'est quand même... c'est pas évident. Et en plus, pour ajouter juste une petite chose, dans une logique d'individualisation des problèmes. C'est-à-dire maintenant, tout l'ensemble des institutions qui s'allie très bien pour parvenir à ce résultat, responsabilise la personne. Tu as des problèmes, tu vas pas bien, etc., etc. De toute façon, c'est ta faute. Et puis c'est toi qui dois trouver les solutions pour te démerder. C'est évidemment le contraire de la solidarité, du faire ensemble, du vivre ensemble, etc., etc. Et ça participe du maintien de cet ordre là qui est en place, qui est à la fois, comme on l'a déjà dit, un ordre de plus en plus qui développe de plus en plus le contrôle, mais en même temps pour parfaire la panoplie d'outils qui continue à utiliser la répression. Et nous, dans nos luttes, on utilise aussi beaucoup ces références qui étaient dans les années 70, c'est-à-dire que dans notre info-kiosque, on peut trouver des écrits de Foucault, on peut trouver des comptes rendus, enfin des productions aussi du SPK, le collectif allemand de alors c'est SPK socialistique et Patienten collective. Et voilà, on s'inspire beaucoup de ce qui s'est passé dans les années 70. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous, Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes. Un petit animal que ça. Melody Nelson. Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai que n'ai qu'un instant. Sur ce que disaient et Jean-Luc et Denis, donc sur l'individualisation. De toute façon, c'est à l'image de toute la société. C'est un peu ce que je pense que voulait dire aussi Jean-Luc. Et puis aussi en termes de lutte, déjà, la société s'organise au niveau de travail, tout ça, pour que tous les groupes solidaires, moi je parle aussi bien de lutte syndicale que d'autres choses, qui sont cassés. Donc on divise aussi les gens les uns contre les autres. Par exemple, on va je sais pas, une catégorie contre l'autre. Bon, je vais peut-être citer un mauvais exemple pour les libertaires, mais les fonctionnaires contre eux, qui seraient privilégiés contre les autres qui sont les gens qui sont issus de l'immigration contre les autres, c'est un martelage depuis des décennies. Et puis sur l'individualisation, évidemment, ça débouche sur l'individualisation des problèmes. Bah oui, t'es pas bien, c'est de ta faute, puis il faut pas s'écouter. Et puis c'est comme finalement avec l'écologie, tu pollues la planète parce que tu vas pas mettre tes trucs dans le bon, parce que tu vas consommer ça. Alors qu'à côté de ça, on te pousse à consommer. On a une agriculture qui pollue. On a voilà, c'est un peu le même. C'est partout pareil dans tous les domaines. Donc, faut pas non plus. C'est une globalité. C'est ce qu'on dit aussi beaucoup dans l'émission. Quoi. On se situe dans un contexte global, et donc la psychiatrie, ben forcément. Mais en plus, la psychiatrie, c'est quand même. La lutte contre l'enfermement, c'est quand même une lutte qui fait peur quand même à la société, particulièrement peur, et qui est, c'est vrai, un petit peu laissée pour compte, parce que les gens de l'extérieur ne se rendent pas vraiment compte de quoi il s'agit. Mais moi, il a fallu que j'aille au mas d'asile pour me plonger un peu dans la réalité des gens qui avaient subi l'enfermement. Donc tout est dur, voilà, tout est dur. Il faut tout recommencer, il faut essayer de communiquer. Et communiquer vers les gens, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donner des informations, tout ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est vraiment, c'est un boulot, mais monstrueux. Et il y a vraiment une oppression qui est liée à la psychiatrie, au fait d'être stigmatisé comme psychiatrisé, ou comme malade mental, ou comme fou, ou comme, je ne sais pas, enfin, il y a toute une série d'étiquettes auxquelles sont associées la honte. Et c'est vraiment très important que de combattre cette stigmatisation, enfin, et le sentiment de honte qui est associé à ça, qui empêche en fait de prendre conscience du caractère injuste, anormal, inacceptable de la condition qui nous est faite en tant que psychiatrisé, ou enfin, et qui nous empêche du coup de nous rendre compte que notre situation n'a pas simplement une situation personnelle, mais une situation qui correspond à enfin qui existe à un niveau collectif, qui concerne des centaines de milliers de personnes et qui demande une réponse collective, qui demande qu'on s'organise, qu'on prenne conscience de façon collective de ce qui nous arrive, de fonctionnement, de processus, de dispositif, et qui demande qu'on trouve à s'organiser collectivement, à tisser des réseaux de solidarité et à mettre en place des alternatives d'une part, mais des contre-pouvoirs d'autre part. Et je pense que vraiment le premier point de la lutte à ce niveau-là, c'est combattre la honte qui est associée à la stigmatisation. Et ça, ça passe par la parole, par l'information, ça passe par la discussion, le dialogue, etc. quoi. Oui, parce que la psychiatrie, enfin l'acte psychiatrique considère rarement les facteurs des troubles, mais plutôt considère ses effets et traite ses effets, c'est-à-dire le comportement. Puis une chose qui est intéressante à remarquer aussi, dont on avait déjà parlé dans l'émission Feu de tout bois, c'est que finalement, la base de la psychiatrie, c'est, comment on va dire ça, une nomenclature des troubles psychiatriques qui est revue, je ne sais pas, c'était tous les 4 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que ce qui est considéré comme des maladies psychiques change avec le temps. Et que ce qui a été constaté par des gens, c'est que par exemple, un trouble qui était considéré, quelque chose qui était considéré avant comme une maladie psychiatrique, qui était un trouble narcissique, a disparu, carrément disparu de cet inventaire, quoi, des maladies psychiques, et que ben maintenant c'est normal, en fait, finalement, d'être narcissique. Enfin, il y a quelques observations comme ça qui sont intéressantes de voir comment, en fonction de l'évolution de la société, ce qui est considéré comme une maladie va changer, en fait. Enfin, ça outrepasse le cadre que tu viens de poser, mais il faudrait des heures pour parler de tout ça, du fameux DSM dont on parle de façon récurrente. On explique aux gens comment ça marche, d'où c'est venu de la psychiatrie américaine, et à quoi ça correspond, et c'est tellement vaste que je sens que j'aurais du mal à faire 2 minutes sur le DSM, ça dépasse mes forces. Il y a tellement de choses à dire. Ce qui me fait dire que, tu vois, par la suite, je vais prévoir 4-5 lignes qui vont condenser la problématique du DSM que j'aurai toujours sous la main. Je sais pas si on peut peut-être commencer à dire des choses sur le DSM. Ça, je sais pas. Bon, si tu veux, c'est venu des États-Unis, et ça tend à vraiment, pour rebondir sur ce que Yves disait tout à l'heure à propos des normes, c'est peut-être une arme, ou l'arme numéro un dans le processus de normalisation. Ça vise à ne plus définir une personne que par un ensemble de comportements, et c'est un ensemble de comportements qui va être idéologiquement imposé par le pouvoir. La psychiatrie, reprenant ces définitions, vont confronter une personne Et pour nous, c'est évidemment révoltant parce qu'on considère qu'une personne, c'est un être extraordinaire. Et que, enfin, en tout cas moi, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est un être singulier, c'est un être unique, et par définition, ça correspond donc à une richesse qui est même toujours presque infinie. Et donc, cet être humain-là, on le passe à la moulinette de une espèce de Bible qui vient définir par différentes définitions, différents troubles, ce qui est le bon comportement. Mais le bon comportement de qui? Le bon comportement du citoyen passif, soumis, résigné, qui va aller au taf tous les jours sans broncher. Alors voilà le grand principe du truc. Après on peut rentrer plus dans des détails, voir comment ça marche. Ces troubles sont définis par des items. C'est une série d'items, et à chaque trouble correspond à certains quotas d'items, c'est-à-dire pour la personne soignante qui l'utilise. Si par exemple tu as un trouble qui est défini par 10 items, et que pour valider ce trouble, comme ils disent, il faut 6 items, eh ben quand le soignant aura eu ses petites croix dans 6 cases, quelles que soient les cases, et quelle que soit la façon dont tout ça pourrait faire prendre sens dans la réalité d'une personne, eh ben non, c'est quasiment mathématique, le trouble sera validé par rapport à la personne. Oui, et tout ça en France est venu à contaminer. C'est pas une contamination mondiale, alors que il y avait d'autres systèmes. Alors je suis pas en train de les justifier, moi je suis pas en train de dire ah oui c'était des bonnes façons de diagnostiquer les gens, non, c'est simplement d'un point de vue historique, le DSM a pris la place de ces anciennes façons de ces nosographies, comme on les appelle, de diagnostiquer et d'étiqueter de toute façon les gens. Mais ce qu'on pourrait dire quand même, et je pense qu'on est assez d'accord sur ce constat, c'est que c'est pire, ça a évolué dans le sens du pire. Hein, c'est que voilà, c'est ce que disait tout de suite Jean-Luc. En fait, t'es pas quelqu'un, t'es une maladie. Tu peux pas être quelqu'un qui aura subi à un moment donné quelque chose qui va, ou qui vit dans une société agressive, ou dans des conditions dures, qui va à un moment donné occasionner un basculement. Non, t'es un ensemble qui répond à certaines caractéristiques d'une maladie, et voilà, ça y est, hop, c'est parti, et on t'applique n'importe quel traitement, enfin pas n'importe quel, mais celui qui est appliqué. C'est un petit peu une grille de lecture, mais extrêmement grossière, qui tient absolument pas compte du côté humain, quoi, du côté humain et inhumain de la société aussi, inhumain de la personne et inhumain de la société, parce qu'on dit c'est la société, effectivement. Ça paraît un peu facile, mais moi mon constat de tous les jours, c'est qu'il y a des agressions multiples, effectivement, qui te poussent dans des qui poussent alors je sais pas si on explique tous les troubles, entre guillemets, les troubles qui fait que la personne va souffrir. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on est en souffrance, plutôt. Ou, il n'y a pas que des cas de souffrance, d'ailleurs, mais qui... Voilà, quoi, on n'a qu'une seule explication. Et puis, je voulais dire aussi autre chose, c'est que il y a de plus en plus de troubles qui sont... ce qu'ils appellent troubles, qui sont répertoriés dans le DSM, c'est-à-dire qui grossit. Tu vas t'agiter un peu parce qu'il y a quelque chose qui contre les autorités, ou tu vas répondre à un trouble alors qu'à une certaine époque c'était pas répertorié comme trouble. Mais et puis il y a autre chose qui m'a un peu choquée. Par exemple, on a lu un exemplaire, c'était avec Denis. Qu'est-ce que je vois? J'ouvre. Il y avait l'épilepsie. Alors, je me suis demandé, mais je ne comprends pas. Il me semblait que c'était quelque chose de d'organique, de physiologique. Donc ça m'a un peu, ça m'a un petit peu perturbée, interrogée, parce que moi-même je suis épileptique, donc je rentre dans le DSM, et puis après il y a d'autres choses, un petit peu, j'ai regardé, je me suis dit, je suis bonne à internet, c'est n'importe quoi, c'est vraiment, on peut pas faire un pet de travers, être un petit peu malade, ça y est, on est catalogué, donc... Il y a même un thérapeute qui t'a voulu te refiler du Rivotril il y a un moment. Oui, oui. Voilà, c'est une petite parenthèse. C'est un peu plus, c'est un peu plus complexe que. Oui, parce que le Rivotril, il sert aussi à traiter ce genre de choses, mais c'est pas anodin. Donc là, je suis en refus, je suis en conflit, je suis en stop, parce que je sais, heureusement, il s'est trouvé que je connais des gens et que je sais que c'est pas un médicament anodin, et que déjà à la pharmacie on ne le donne pas comme ça, parce que c'est finalement assez dangereux. Donc là, je suis en refus de prendre ce genre de choses. Mais tu sais, t'as pas à te formaliser. Je crois que on peut faire rentrer n'importe qui dans cette grille-là, avec un peu de bonne volonté et un peu de savoir-faire du DSM. c'est une affaire qui marche. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, il grandit parce qu'ils inventent carrément certaines pathologies. Un des exemples les plus lumineux, c'est l'invention de l'hyperactivité pour les enfants, avec une grande... collusion entre les laboratoires pharmaceutiques d'une part, qui avaient une molécule qui n'était pas utilisée et qui voulait mettre dans le marché pour en tirer un maximum de profit, et une grande partie des experts qui rédigent le DSM sont en cheville avec les laboratoires, sont même rémunérés par les laboratoires. Donc ça donne carrément l'invention de pathologie. Et ça n'en finit pas, parce qu'ils ont commencé par inventer cette notion d'hyperactivité pour les enfants, et donc pour pouvoir créer un marché qui était donc un marché composé par cette population-là d'enfants. Et puis, ça suffit pas. Donc... je vais pas trop rentrer dans les détails de cette histoire, mais ce qui avait été impossible au départ pour les laboratoires, c'est-à-dire tenter d'exploiter cette molécule-là par rapport à la population adulte, eh bien, par le biais l'invention de cette pathologie pour les enfants et du développement de la consommation de ce médoc pour les enfants, on est arrivé par retour à cibler la population adulte avec ce tour de passe-passe. Ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire, on crée un syndrome qui allie deux notions, la notion de trouble de l'attention et la notion d'agitation, d'hyperagitation, ce qui fait qu'on joue sur les deux dimensions de la chose. Par rapport aux enfants, on a surtout mis l'accent au niveau de l'hyperactivité, de l'agitation, et puis on va recibler la population adulte en disant: ah oui, mais n'avez-vous pas à certains moments un certain trouble de la concentration, un certain trouble de l'attention, sous-entendu, qui peut nuire à vos capacités de travail, qui peut nuire à votre efficacité de salarié? Et c'est comme ça que de plus en plus de personnes, malheureusement, vont s'identifier à ce trouble et se dire: ah mais oui, c'est vrai. Ah oui, ah non, il faut que je trouve une solution. Et la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est la même molécule. On va peut-être juste donner les coordonnées de Sans Remède, de cette revue fort intéressante, pour les gens qui veulent peut-être à la fois la recevoir et contribuer aussi. Oui, tout à fait. Donc pour nous écrire, la boîte mail, c'est donc 100.remède@laposte.net. Et puis aussi, on a un site, bon, qui est un peu en désuétude en ce moment, mais on peut trouver les trois numéros du journal pour les personnes qui n'ont pas pu mettre la main sur le papier. Donc c'est sans remède en un seul mot.fr. Corporelle qui fait vachement de bien dans ces rencontres où on parle énormément et où on connaît pas tout le monde. C'est un peu l'occasion de faire connaissance dans un cadre un peu dirigé, quoi, à travers des jeux d'expression, des jeux physiques, de confiance, et ça nous permet de nous rencontrer, quoi, d'une autre manière. Voilà. Et alors, je peux vous poser une question générale à tous les trois, et puis vous verrez bien ce que vous aurez envie de répondre. Donc, vous êtes là pour ces rencontres résister à la psychiatrie. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ces rencontres et qu'est-ce que vous en retirez? Enfin, qu'est-ce que vous apprenez ici? Qu'est-ce qui vous semble intéressant, nouveau ou sympathique? Moi, clairement, je m'appelle François. Moi, clairement, ce qui m'intéresse dans ce type de rencontre, et parce que nous on est plusieurs à venir des Cévennes où on a un groupe qui se réunit sur ces questions de manière régulière, et ce que je trouve très fort, c'est que c'est pas mal de gens qui gravitent autour d'un milieu plutôt libertaire, plutôt anti-autoritaire, un peu dans des luttes sociales, et pour une fois je trouve que c'est pas courant, même si je ne prétends pas appartenir à ce milieu-là, mais que je connais des gens qui en font partie de manière claire et affirmée. Et je trouve que c'est pas courant de parler de l'être, du sentiment, de l'émotion, de l'affectif, de l'affectivité, y compris jusqu'à des questions qui peuvent tendre vers la spiritualité ou vers des dimensions quasiment mystiques à travers des états que certaines personnes ont traversés. Et en fait, ça crée une autre horizontalité, une autre base de discussion, qui est celle de nos individualités partagées, mais à travers un prisme qui n'est pas celui de la lutte sociale, du pouvoir, de la lutte contre des répressions, etc., mais celui le prisme de l'être et de l'existence et de nos sentiments relatifs. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans ces rencontres où chacun s'exprime sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il vit, ses difficultés, ses souffrances, ses joies, ses peines, mais sans jugement, et voilà, une façon d'être avec les autres à partir de son expérience. et pas à partir d'une idéologie toute faite. Ouais. Ouais, moi, je trouve bien un écho avec ce que vient de dire François. Et je rebondis sur la notion d'idéologie ou de vécu. Et moi, c'est ça aussi qui me motive et qui m'attire dans cet événement-là, c'est de savoir qu'à partir du moment où on assume sa propre souffrance, où on assume qu'on est touché par la souffrance de ceux qu'on aime, on rentre dans un autre plan de discours, d'échange, de rencontre, de rapport. Et à mon sens, effectivement, on peut réellement s'émanciper de l'approche idéologique, qui pour moi a toujours ses limites. Et voilà, et donc ce que j'en retire, moi, c'est surtout des rencontres, de la motivation, encore plus de motivation à mettre en œuvre ce que je mets en œuvre dans mon quotidien, et puis des découvertes, quoi, des expériences, des réflexions croisées, voilà, tout un tas de choses dans mon vécu, que je saurais pas forcément énumérer, mais qui me contribue à me faire grandir. Et ce qui me motive aussi, c'est la dimension d'autoproduction. Pour moi, le monde auquel j'aspire, c'est un monde où chacun est capable de produire ou de contribuer à la production de ce dont il a besoin. Et ça peut être ce qu'on mange, mais ça peut être aussi la liberté, ça peut être aussi la guérison, ça peut être tout ce dont chacun éprouve le besoin dans sa propre subjectivité. Et donc là, voilà, je trouve ici un espace où forcément je trouve des échos, des résonances et puis voilà, des possibilités d'entreprendre ensemble, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ces moments-là, c'est qu'on arrive enfin à déconstruire ce gros problème qu'on a dans les milieux libertaires, anarchistes, d'accepter qu'on puisse souffrir, qu'on puisse avoir des moments où on n'arrive plus à être dans l'action, on n'arrive plus à être avec les autres, on n'arrive pas à exprimer nos ressentis. Sous prétexte qu'il y a des urgences, qu'on est contre un monde qui nous submerge de tous côtés et qu'il y a toujours des luttes à mener dans beaucoup beaucoup de domaines, et très souvent on est donc happé par ces urgences et on prend pas le temps de voir que le copain ou la copine juste à côté de nous n'est pas bien, n'arrive pas à y aller, n'arrive pas à écrire, n'arrive pas à s'exprimer, ni à faire la cuisine. Et on a des mécanismes de défense qui s'érigent en nous et qui font qu'on rejette souvent ce type de souffrance ou ce type de décalage, de différence. Et à travers ces rencontres, je crois que là, on arrive à effacer ce fossé, en fait, entre l'action politique, entre ce qu'on a envie de changer dans ce monde et nos ressentis. Et je pense qu'on arrive à trouver un excellent entre-deux, en fait, entre ces deux choses. Parce que j'oublie pas que tout ça, c'est parti d'une lutte contre l'enfermement psychiatrique, que c'est un petit peu les bases sur lesquelles on a démarré ces moments de rencontre, que ce soit dans les Cévennes, que ce soit ici. Mais on arrive à changer les choses d'abord entre nous, avant de se dire qu'on peut aider d'autres personnes qui sont peut-être pas dans nos milieux, qui sont pas dans nos modalités d'être. Et ça commence déjà par se comprendre entre nous et se faire confiance et accepter nos moments de faiblesse, nos moments de perdition et de doute. Je voulais rajouter quelque chose sur... en contrepoint à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que ces rencontres nous permettaient de parler de notre être, mais aussi moi j'ai pris conscience aux rencontres précédentes qu'on a organisées cet été en août 2012 dans les Cévennes, que combien en fait le système psychiatrique est peut-être le point le plus abouti de... une des expressions les plus abouties de l'oppression d'un système, parce qu'en fait il nous atteint directement dans notre être, et que ça me touche. Et en fait par rapport à d'autres systèmes d'oppression que peuvent être le travail, y compris très encastré dans le champ social, l'école, la famille, et d'autres institutions, l'institution psychiatrique, elle touche ce qu'on, nos besoins, nos envies, nos désirs, notre manière d'être au monde, et mon expérience m'a plutôt porté vers des phases plutôt très euphoriques, en fait, et un peu des débordements dans ce sens-là. Donc j'ai plutôt une expérience du positif dans ce qu'on va appeler la folie, et en fait ma manière d'exister dans ces moments-là, j'aurais aimé qu'elle puisse être acceptée et intégrée dans le champ social, dans des espaces qui puissent me permettre d'exprimer ce que je suis à ces moments-là. Et en fait j'ai été moi j'aime bien prendre ce mot, mais sapé dans cet élan de vie qui s'exprimait à ce moment là et qui n'était pas destructeur, en rien destructeur, par ce système, donc moi 5 fois, et ça blesse, quoi, ça blesse. Et donc en fait j'ai pris conscience au cours de d'autres rencontres que combien ce champ, cette institution psychiatrique, elle est une forme d'aboutissement, un bras, je sais pas, j'ai une image qui vient d'un bras armé qui vient nous saisir et nous remettre dans un droit chemin d'un système plus large de patriarcat, de travail, voilà, le système capitaliste et industriel, et que voilà, moi je crois avoir dit ce que je voulais dire. Une question un peu pratique. S'il y a des gens qui écoutent cette émission et qui ont envie de se relier avec cette dynamique de rencontre, est-ce qu'il y a un moyen de le faire, ou est-ce que juste il faut qu'ils nous écrivent à l'émission et qu'après on les mette en contact avec quelqu'un qui pourrait les mettre en contact avec quelqu'un d'autre Par exemple, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres rencontres résister à la psychiatrie, ou pour l'instant il n'y a rien, vous n'en savez rien? Pour l'instant, on n'a pas prévu de date, mais ça va se faire, c'est sûr et certain. Vu l'intensité qu'on partage, ça serait chouette que ça continue régulièrement. Je pense que c'est important pour toutes les personnes qui sont là, et aussi pour celles qui n'ont pas pu se déplacer. Et pour l'instant, on a créé des boîtes mail un peu internes, disons. Donc je ne sais pas si c'est le lieu de donner les adresses, mais évidemment, si ça peut passer par l'émission... il faut pouvoir ouvrir ces rencontres à des personnes intéressées. Il faut pas qu'on reste dans un entre-soi trop longtemps. À chaque rencontre, il y a un peu plus de personnes, et il faut que ça continue. Enfin, disons que dans les Cévennes, on a pu se rencontrer grâce aux rencontres qui ont été organisées par Sans Remède en Ariège. Et bon, il y a quand même une grande différence entre les rencontres qu'il y a eu en Ariège, où on était 150-200 personnes. C'était sur 3 jours, ça brassait énormément de monde, énormément de sujets, c'était très organisé. C'était à quel moment Alors c'était en septembre, donc c'était du 9 au 11 septembre 2011. Voilà. Et donc, à partir de ces rencontres, nous, on a créé un petit groupe dans les Cévennes où on s'est retrouvés chaque mois, des fois chaque semaine, pour parler de continuer le questionnement sur toutes ces questions-là. Et par contre, les rencontres qu'on a organisées à la Borie n'ont pas du tout ressemblé à celles d'Ariège. C'était complètement autre chose. On était dans un nombre beaucoup plus réduit de personnes. On a beaucoup moins organisé. On a laissé faire l'autogestion. On a vraiment fait confiance à la vie organique du groupe. Et ça s'est très, très bien passé. Mais ça a pris d'autres formes, peut-être plus intenses de mon point de vue. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, ça ressemble plus à ça. Donc peut-être qu'il y aura d'autres grandes rencontres organisées par d'autres gens ou par nous à un autre moment. Et où il y aura 200, 300 personnes et que tout sera organisé. Ce sera peut-être plus simple pour des personnes qui connaissent pas du tout le sujet de venir à ces rencontres-là. Mais les rencontres plus réduites sont absolument pas fermées. J'ai mon dernier mot. Sur à propos de l'approche thérapeutique, du fait de soigner. D'ailleurs, il me semble que l'étymologie de thérapeutein, c'est accompagner en fait. C'est pas soigner, c'est accompagner. Mm-hmm. Mais pour le coup, dans nos rencontres et dans nos dynamiques, nous en tout cas en Cévennes, il y a la volonté, même si on a un peu du mal à le mettre en œuvre, et je suis très content parce que hier on en a eu une expression et une expérimentation pour moi assez fondatrice. On a pu partager une technique de soins, en l'occurrence des pratiques reliées à Wilhelm Reich. Et en fait, il y a la volonté de s'approprier, de se réapproprier dans une visée assez autonomisante des techniques de soins, de les partager un peu hors champ, hors du fait d'être en lien justement avec un thérapeute qui soigne un patient. Et peut-être dans une visée un peu plus horizontale. Et alors, ça pose la question de... Moi, clairement, ça me pose la question de... Le mot qui me vient, c'est la validité, la valeur, la portée de ces gestes-là. Parce qu'en fait, si on n'est pas avec un thérapeute qui a une expérience et qu'on partage des choses un peu comme, un peu comme des amateurs, ça peut poser question et inquiéter certains ou m'inquiéter moi-même. Mais après, ça dépend de quel geste on parle. Voilà, si c'est un groupe d'expression corporelle libre autour de la danse ou je ne sais quoi, pour soulager, exprimer des choses de façon non cadrée et très libre et sans prise de risque au niveau de décompensation psychologique grave ou quoi, ça me semble tout à fait réalisable. Après, il y a des gestes plus ou moins. Je pense à une technique de soins qui m'intéresse en ce moment, qui s'appelle la respiration holotropique, qui a été développée par Stanislas Grof, un chercheur qui a longtemps travaillé avec le LSD comme usage thérapeutique, mais qui a dû arrêter ses travaux et qui a développé une méthode de respiration, la respiration holotropique, qui s'accompagne de musique qui dure 3 à 4 heures d'hyperventilation pour que le corps régule des processus, débloque des blocages, enfin débloque des blocages, se soulage de lui-même. Et ce type d'outil, moi il m'intéresse énormément, mais il me semble pas qu'on puisse se l'approprier parce qu'il requiert un accompagnement efficace, une vision des personnes, un accompagnement qui avec une acuité sur à propos des personnes qui sont en train de faire cette respiration, qui requiert voilà une expérience claire et nette que aucun d'entre nous n'a. Clairement, une personne a fait cette c'est juste un exemple pour illustrer, une personne a fait cette respiration parmi nous, au moins une, je ne sais pas, peut-être d'autres. Et elle avait la volonté de peut-être de transmettre ce qu'elle avait expérimenté, mais ça lui semble maintenant clairement difficile d'après le niveau d'exigence, la technique qui est employée, qui requiert de l'expérience en fait. Et c'est pas une technique compliquée, mais elle requiert de l'expérience pour accompagner l'autre. Et donc il y a de moult techniques comme ça qui requièrent des quelques années ou quelques mois ou en tout cas un parcours personnel qui fait qu'on peut pas, c'est difficile de se les approprier. Néanmoins, par exemple, nous, dans nos rencontres à la Borie, dans les Cévennes, on avait pu faire venir 2-3 personnes pour nous parler de soins alternatifs comme la sophrologie ou l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique de tapotement en même temps que de verbaliser certaines choses. Et voilà, donc on ne s'interdit pas de faire venir des intervenants sur certaines thématiques de soins, mais on est assez vigilant, je pense parler au nom du groupe en disant ça, mais on est assez vigilant sur le rapport soignant-soigné, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on questionne. Et de s'en remettre totalement à quelqu'un ou de faire une confiance aveugle en quelqu'un. Donc voilà, pour situer un peu une approche sur le soin, la volonté de se réapproprier des choses, la conscience que c'est difficile et en même temps la possibilité qu'on se laisse de faire appel à certaines personnes, y compris certaines d'entre nous qui ont des expériences, de les partager ou d'autres personnes extérieures. Ce montage d'interview réalisé à l'occasion des rencontres pour en finir avec la psychiatrie. Donc, pour rappel, ces rencontres se sont tenues dans un lieu collectif qui s'appelle Marivieille dans la Drôme entre le 11 et le 15 octobre 2012. Donc, ce montage d'interview a été réalisé un peu tardivement, en mai 2013 à Die. Et elles ont été initialement montées pour la radio libre RDIWA. Et puis peut-être pour d'autres radios qui auront envie de les rediffuser. Bye bye. This is what you get.